Chapitre 3e. Notre départ pour l'Istme était subordonné à certaines convenances, celles de Sir Henry Bulwer, entre autres. L'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople avait annoncé l'intention de visiter les travaux du canal. Un diplomate n'est pas curieux pour le seul plaisir de satisfaire sa curiosité. Il eût été par trop naïf de croire que Sir Henry se dérangeait ainsi sans un intérêt politique. Dans tous les cas, il était de bon goût de se mettre à la disposition de l'ambassadeur et de lui prouver que, quel que fût son heure et son jour, le canal était prêt à le recevoir, et M. de Lesseps prêt aussi à montrer son œuvre aux amis comme aux adversaires. Or, les soins que M. Bulwer accordait à sa santé chancelante et aux intérêts de son gouvernement prolongeaient au Caire son séjour et le nôtre. Le 17 décembre, enfin, nous étions réunis à 8 heures du matin dans la gare du chemin de fer. En attendant l'ambassadeur, dont l'arrivée, désirée pendant toute une heure, ne pouvait manquer de faire sensation, nous avons un spectacle curieux. C'est celui que présente au départ d'un train la foule des voyageurs indigènes. Un chef de gare en France, après avoir placé les passagers des premières, ouvert la porte à ceux des secondes, avait, m'a-t-on assuré, l'habitude de dire aux gardiens « lâchez les troisièmes ». Cette expression, un peu trop énergique pour la population parisienne, serait parfaitement applicable au naturel du Caire ou d'Alexandrie. Les voyageurs de première classe sur les chemins de fer égyptiens ont toute liberté d'entrer, de sortir, d'ouvrir et de fermer les voitures, d'encombrer les wagons de leurs menus bagages, y compris les perruches favorites et les singes microscopiques apportés de l'Inde et destinés à orner les cottages britanniques. Mais la police s'exerce plus rigoureusement sur le vulgaire des habitants indigènes. Ils assiègent la porte de la salle, ils se pressent, ils se poussent, ils passent littéralement par-dessus les épaules les uns des autres. Juifs ou arabes, ils ont un instinct dont on se défie et qui consiste à pénétrer sans biais dans les wagons. Deux gardiens, étendant leurs bâtons, ont grand-peine à empêcher l'irruption de la masse tumultueuse. Tout le monde crie, à l'extérieur comme à l'intérieur, les gardiens pour obtenir le silence, la foule pour obtenir le passage. Enfin, les voyageurs ont pris place. Il y a des wagons réservés pour les femmes. Elles ne voyagent pas avec leurs maris. D'abord, parce que la dignité de ceux-ci se trouverait compromise. Ensuite, parce qu'elles doivent éviter la compagnie des autres hommes. Mais d'où vient ce nouveau tumulte? C'est Mohamed qui le cause. L'intrigant, sous prétexte qu'il appartient à la Compagnia et qu'il a par cela seul des privilèges, s'est introduit avec le bagage de son maître dans le compartiment des femmes. Ces dames ne semblent pas choquer le moins du monde de cette intrusion, et c'est justice leur rendre que de dire qu'elles n'ont pas trahi l'audacieux. Les employés indigènes l'aperçoivent et une lutte commence entre eux. Ils crient à tue-tête « Compagnia ». Ce mot part la grêle de coups de bâton dont il est menacé. Mais il ne doit ni couvrir ni prétexter une infraction aux usages du pays. Aussi, le maître de Mohamed accourt, et saisissant le délinquant par le bras, il le tire du wagon, non sans lui donner avec le pied un premier avertissement. L'ambassadeur et sa suite entrent enfin dans la gare. En route, les estomacs sont déjà impatients et nous devons déjeuner à Zagazig. Entre le Caire et la ville de Béna, au point où le chemin de fer coupe le Nil, est soudé un embranchement de la voie qui se dirige à l'est vers le désert de Suez. Il aboutit à Zagazig. Cette ville est le point de départ des voyageurs qui vont dans l'isthme par le Caire. Deux cours d'eau se réunissent à Zagazig. L'un des deux coule naturellement au nord vers la mer et le lac Menzaleh. Il alimente ce qui reste de l'ancienne branche tanitique. L'autre s'épanche dans un canal orienté à l'est vers le désert. Une ligne droite, tracée à cette hauteur et dirigée de l'ouest à l'est, aboutit au milieu de l'isthme sur le rivage du lac central qu'on appelle le lac Timsa. Cette ligne est celle d'un canal d'eau douce qu'a creusé la compagnie et qui sert à deux fins. Au transport économique des matériaux et approvisionnement, à l'arrosage des terres. Au lac Timsa, il rencontre le canal maritime et, changeant de direction, il infléchit au sud par un brusque détour et va porter vers Suez le bienfait de son eau fécondante. Le canal maritime, au contraire, qui doit donner passage à la grande navigation, va droit du nord au sud, de la Méditerranée à la mer Rouge, en traversant ou côtoyant les lacs Menzaleh, Timsa et les lacs amers. Pour résumer les explications précédentes, nous prions le lecteur de se figurer deux lignes, l'une horizontale allant de l'ouest à l'est, C'est le canal d'eau douce qui, prenant son origine à Zagazig, conduit les voyageurs au centre de l'isthme. L'autre, vertical, courant du nord au sud, c'est le canal maritime. Partant de Zagazig, nous avons donc à suivre le cours du canal d'eau douce jusqu'à la Timsa, où nous entrons dans le canal maritime, qu'il nous reste à remonter jusqu'à la Méditerranée. Tel est l'itinéraire du noble fonctionnaire anglais que nous accompagnons. Par le fait, il comprenait alors à peu près tous les travaux. Depuis lors, les progrès ont été rapides. Aujourd'hui, pour compléter l'inspection, il faut pousser une pointe vers Suez et nous ne manquerons pas d'y conduire le lecteur. Zagazig serait un village en France, mais les villages égyptiens n'étant qu'une réunion de huttes construites avec de la boue desséchée et ressemblant à s'y méprendre aux habitations des castors, toute réunion de maisons de pierre ou de bois a droit au titre de ville, quelle que soit d'ailleurs la dégradation et la bizarrerie de ces édifices. On pénètre dans l'enceinte de Zagazig par une ouverture cintrée qui pourrait recevoir deux battants de porte. L'ambassadeur, guidé par M. de Lesseps, s'éloigne rapidement avec son monde. Nous restons en arrière un instant pour reconnaître l'état de nos bagages. Les employés sont précisément occupés à les tirer du fourgon. Leur méthode de distribution est assez expéditive et je ne sais en vérité si, malgré des inconvénients évidents, elle n'est pas encore préférable à cet arrangement régulier mais si lent qui donne aux gares, impose aux voyageurs souvent fatigués et transis une interminable attente. Malles, valises, cartons, manteaux, fusils et tous les colis quels qu'ils soient sont entassés sur le quai du chemin de fer. Les voyageurs démêlent, comme ils peuvent, leurs effets dans ce monceau d'objets de toute forme et de toute valeur. Quand chacun a extrait sa propriété du fond de cet amas qui s'écroule, ce qui reste est abandonné en plein vent et pourrait sans aucun doute se détériorer si quelque arabe ou quelque juif soigneux n'arrivait toujours à point pour le mettre à l'abri dans son gîte et le préserver en se l'appropriant. C'est à ce moment que j'appris à connaître tout le prix des services de Hassan et de Mohamed. Jusqu'alors, je ne leur avais pas rendu justice. L'un me paraissait nonchalant, l'autre doué d'une vivacité brouillonne et inutile. Mais combien ils grandirent dans mon estime dès cette première attribution des bagages. L'un, avec le plus grand flegme, choisissait et mettait à part les effets confiés à sa garde, sans daigner répondre aux interpellations des portefaix, ni aux offres de services, plus que suspectes, des officieux réunis en assez grand nombre. Il repoussait, avec le poing fermé, les plus ardents à la curée, et ne desserrait pas les lèvres. Mohamed, au contraire, répondait à leurs sollicitations par des cris et des gestes désespérés. Il procédait d'ailleurs à la même opération que son collègue, sinon avec sa superbe, du moins avec un égal succès. Ce que voyant, je confie instantanément ma malle et mon sac de nuit à leur garde pour le reste du voyage. Je les leur fis reconnaître en leur expliquant ce que j'attendais d'eux. Hassan hocha la tête, il me dit « Taïb », qu'on peut traduire à cette occasion par « très bien », et continua sa besogne sans qu'un seul pli trahît sur sa physionomie de bronze verdâtre un sentiment quelconque. Mohamed me regarda, ouvrit la bouche toute grande et se mit à rire en montrant les dents, comme si ma recommandation eût été la chose la plus plaisante du monde. Délivré d'un assez grand souci, je voulus rejoindre notre caravane. Elle avait disparu. De quel côté? Le moyen de le demander à l'une de ces figures à turban dont la gravité un peu ironique n'a rien d'engageant. Enfin, je me laisse guider par le hasard. Je tourne à droite et une centaine de pas me conduisent devant une porte où j'arrive à temps pour voir l'un des nôtres enjamber les marches d'un escalier. Parvenu à sa suite au premier étage, j'ai la satisfaction, partagée, je crois, par toute l'assemblée, de me trouver devant une table abondamment servie. L'ambassadeur d'Angleterre y prend place au milieu de son monde. Mais c'est surtout à quelques Français, nos compagnons, qu'il adresse la parole dans un langage très correct, qui révèle constamment de fines intentions. C'est une politesse de Sir Henry Bulwer. Il ne s'en est pas écarté durant tout le voyage, malgré la préférence bien naturelle qu'un étranger doit avoir pour ses compatriotes et pour la langue de son pays. Sir Henry Bulwer est d'une taille au-dessus de la moyenne. Il a traversé l'âge mûr sans en avoir encore dépassé la limite. Ses traits sont fatigués, plutôt par de fréquentes indispositions que par les années. Il est de mince corpulence et l'embonpoint n'est pas ce qui le gêne, soit pour marcher, soit pour monter à cheval. Il excelle, cela va sans dire, dans ce dernier exercice. Tout Anglais de distinction s'y adonne. Du reste, rien ne ressemble moins que M. Bulwer au type d'Anglais qu'on se représente habituellement en France et ailleurs. Il n'est pas blond, Il n'a pas de favori tirant sur le rouge et taillé en côtelette. Il n'a pas un teint frais et rose. Son teint est celui des hommes du midi. Des rides précoces l'envahissent. Quelle est la couleur de ses yeux? Je ne saurais le dire. Son regard clair et pénétrant n'est pas de ceux qui se laissent fixer, encore moins étudier. Ainsi que je l'ai dit, sa courtoisie a été parfaite. Mais les esprits susceptibles ont trouvé, dans le raffinement de cette courtoisie, un fond de très grande réserve et même de hauteur. Les hommes du monde, et surtout du monde britannique, excellent à manier la politesse comme un bouclier contre la familiarité. Les diplomates, principalement, s'en servent à toute fin et savent, s'ils sont du rang et de la trempe de Sir Henry, le manier de telle sorte qu'elle peut être considérée soit comme une distinction flatteuse, soit qu'une main. Qu'elle peut être considérée comme une distinction flatteuse, soit comme une marque de dédain, d'éloignement ou d'hostilité, soit même comme une insolence. Sir Henry était certainement incapable de cette dernière attitude, qui eût d'ailleurs été toute gratuite. Mais cette exception faite, je ne me hasarderai certainement pas à classer l'extrême politesse de Sir Henry dans l'une ou l'autre des catégories précédentes. Toutes les suppositions sont permises, car il ne s'agit pas d'un simple particulier, mais d'un fonctionnaire public dont la situation dans l'isthme, au milieu de nous autres Français, attachés de cœur à la grande entreprise, était très délicate. Agent du gouvernement britannique, il a combattu et entravé cette entreprise à Constantinople. Il a été auprès du sultan l'instrument de cette politique qui dissimule une hostilité violente contre le canal sous un dédain calculé et qui s'est efforcé de le représenter comme impossible afin d'en empêcher l'exécution. Quel sens donner à sa démarche au milieu de nous et par quelle attitude éviter qu'elle ne soit interprétée d'une manière blessante pour la politique passée ou d'une manière embarrassante pour la politique future. Tout autre qu'un homme de l'expérience, du tact et du mérite de Sir Henry serait difficilement sorti de ses écueils. Pour éviter d'y tomber, l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople s'est armé de l'impénétrable politesse dont je parlais, et ceux qui auraient la pensée d'interroger son visage ou la hardiesse de l'interroger lui-même n'en auraient obtenu que des sourires obligeants et des réponses gracieuses. En fait, cet homme d'État a résolu, dans la circonstance, le difficile problème de regarder sans avoir l'air de voir, de questionner sans avoir l'air de vouloir apprendre, et de parler très spirituellement sans rien dire. Il est 11 heures. Nous avons à faire une assez longue étape. Le signal est donné et nous suivons nos guides jusqu'au bord d'un canal. Plusieurs barques nous attendent. La plus belle et la plus rapide est réservée à l'ambassadeur. Il s'embarque avec sa suite. L'équipage lance aussitôt une corde à terre. Deux vigoureux chameaux y sont attelés. L'embarcation part au petit galop de ces animaux, et leur conducteur, agitant le court bâton qui sert à diriger l'attelage, psalmodie d'une voix saccadée, monotone et nasillarde, des versets du Coran. Nous partons, au nombre de 8, sur un esquif plus modeste. Nous ne manquons pas de fusils à bord. Nos compagnons en ont apporté de tous les systèmes. Les oiseaux qui hantent le canal se méfient sans doute de ce formidable armement. Nous n'en voyons pas un seul. Le whist nous offre ses fiches de consolation. Jouons donc. Le soleil tombe d'aplomb sur notre coche d'eau. Il ruisselle en cascade dorée sur la peau d'une marinière demi-nue. Il inonde le pont. Bien imprudent serait l'Européen mal acclimaté qui s'exposerait à ses dévorantes caresses. Il faut rentrer sous la tente. Cependant, la brise s'est levée. Le Reis fait hisser la bergue et tendre la voile latine. Elle projette sur le pont une ombre dont je me hâte de profiter pour jouir du spectacle de la nature dans cette région limitrophe du désert et si différente de tout ce qu'on voit en Europe. Le canal, rempli d'une eau trouble mais exquise comme l'eau du Nil, est large de 12 à 15 mètres. Il présente un caractère d'animation et de mouvement. De grands chalands chargés de provisions alimentaires suivent lentement le fil de l'eau. D'autres succèdent avec une cargaison de matériel. Sur les deux rives, le tableau n'est pas moins vivant. Voici une partie du contingent des ouvriers fellahs envoyés par le vice-roi sur les travaux et payés par la compagnie. C'est une simple escouade composée de 12 à 1500 hommes. Chaque mois, le nombre de ceux qui passent est 20 fois aussi considérable. En ce moment, les hommes sont au repos. Ils forment entre eux des groupes pittoresques. Les uns font un repas où l'on reconnaît la frugalité ordinaire des Arabes. Je n'y ai pas vu les fameux oignons d'Égypte, mais un peu de fromage blanc, quelques dattes et beaucoup de galettes, une espèce de biscuit de mer fourbon. La compagnie possède à Boulak, près du Caire, de vastes magasins qui servaient sous Mehmet Ali aux exercices d'une école polytechnique. Aujourd'hui, les vastes salles de cet édifice contiennent les provisions de riz, de légumes secs et de biscuits destinés à l'alimentation des ouvriers fellah. Ces denrées leur sont livrées à très bas prix, de telle sorte qu'à la fin de leur tâche, ils reçoivent, tout frais payés, une somme de 50 à 60 piastres. Aussi ne sommes-nous pas surpris de voir le calme et l'air de satisfaction qui règne dans ces groupes. Un jour, précisément au même endroit, quelques centaines d'ouvriers tirés de la Haute Égypte, où les populations sont plus ignorantes, moins tolérantes et moins disciplinées, eurent l'idée de déserter. Ils se croyaient loin de toute autorité, et l'habitude des corvées gratuites leur faisait supposer que la compagnie les trompait en leur promettant de les nourrir et de les payer. Donc, après la halte, au lieu de continuer leur route, les plus hardis prirent celle du désert. Toute la bande allait se disperser lorsque le représentant de la compagnie fut averti. Il accourt. Que faire au milieu de ces hommes mutinés, sans force publique et sous le poids de la défaveur que comporte la qualité de chrétien? Il fallut bien parlementer. L'intelligent fonctionnaire évite avec soin la colère, les cris et la menace. Il appela les principaux meneurs et leur dit « Vous voulez partir ? Fort bien, je ne me retiens pas, mais écoutez un bon conseil. Le pacha a la vue perçante et le bras long. C'est à lui que vous désobéissez. Il vous fera poursuivre et vous pouvez compter qu'une fois pris, vous aurez à subir un rude châtiment. Maintenant, allez, je n'ai plus rien à dire. » Il se croisa les bras et leur tourna le dos. Mais ils l'entourèrent en riant et reprirent le chemin des chantiers de l'isthme. Les Arabes rient quand ils sont pris en flagrant délit et qu'il ne leur reste aucun moyen de contester l'évidence. C'est un aveu de maladresse qu'on prendrait bien à tort pour une expression de repentir.